FrenchPod.com. Accusé, levez-vous. Nous nous trouvons aujourd'hui au sein de ce tribunal pour juger le cas de M. Pierre Leblanc, qui a choisi d'assurer lui-même sa défense. C'est bien cela, M. Leblanc ? Tout à fait, Madame le juge. Rappelons brièvement les faits. Le samedi 8 septembre 2007, aux alentours de 20h selon le rapport de police, un cambriolage a eu lieu dans l'appartement de Madame Jacour, votre voisine de palier, qui ne se trouvait pas à son domicile, s'étant absentée pour le week-end. Précisons que Madame Jacour vit seule avec ses deux chats, ayant divorcé de son mari voilà 5 ans. Jusque-là, je suis d'accord. Madame Jacour porte plainte contre vous suite à la disparition d'une bague en or massif qui se trouvait cachée dans un étui posé tout en haut de sa commode. Or, il se trouve que vous avez été aperçu rôdant près de sa porte vers 20h, selon les témoignages de la concierge Madame Jabert, ici présente, et que vos empreintes ont été retrouvées en mains endroits chez la plaignante. De plus, en tant que voisin envers qui la plaignante avait totale confiance, vous possédiez un double des clés de son appartement. Madame le juge, je ne rôdais pas. Voilà ce qui s'est réellement passé. Alors que je m'apprêtais à dévorer un de mes romans policiers favoris comme chaque samedi soir, j'ai entendu un bruit suspect venant de l'appartement de Madame Jacour, précisément à 19h52. Quel genre de bruit, Monsieur Leblanc ? Eh bien, ça ressemblait à des bris de verre, comme le son d'un vase qui se brise. Intéressant, continuez. Vous comprenez, j'allais entamer la lecture d'un roman d'Hercule Poirot. Il fallait que j'intervienne. C'est évident. Poursuivez. Je suis donc sorti de chez moi et ai frappé à la porte de Madame Jacour, mais comme personne ne répondait, je me suis permis de m'introduire chez elle. C'est là que vous avez été observé, je cite les dires de Madame Jabert, en train d'entrer de manière insidieuse chez la victime. Mais pas du tout! La concierge se méprend, Madame le juge. Je suis entré avec précaution, par peur de tomber nez à nez avec quelques voleurs. J'ai donc surpris les deux chats de Madame Jacour courir de part et d'autre du salon, renversant tout sur leur passage, d'où le vase brisé, y compris l'étui de ma très chère voisine. Ceci n'explique pas le méfait, Monsieur Leblanc. Vous allez comprendre. En tombant, l'étui s'est ouvert et la précieuse bague s'en est échappée. À ce moment, les deux animaux se sont rués sur l'anneau et l'ont avalé d'un seul coup. En toute honnêteté, je ne me souviens plus lequel est coupable. Je suggère donc qu'on opère les deux chats de Madame Jacour au plus vite pour retrouver le bijou. C'est très bien, Monsieur Leblanc, nous avons tous pris note de votre plaidoyer. Mais je doute que les personnes ici présentes aient été convaincues. La plainte est donc maintenue et vous resterez en détention provisoire jusqu'à votre prochaine comparution. Un petit conseil, Monsieur Leblanc, prenez un bon avocat entre-temps.